Mesdames et messieurs, nous vous avons prié de vous rassembler ici pour proclamer notre droit à être traités comme des citoyens à part entière. Pas un de nous ne cherche le conflit. Nous n'utiliserons que les moyens pacifiques. Mais nous voulons néanmoins que justice soit faite. Pour Pierre. Pierre. Mais nous voulons néanmoins. D'où viennent tes pensées, d'un monde réel ou virtuel? Combien sont nés de la télé, combien sont vus en vérité? D'où vient l'image qui est en toi? Des gros noirs t'en connais pas, des gros abzous d'Al-Qaïda. Y'a que dans tes yeux que moi j'en vois. Que justice soit faite, Pierre. Dans l'image en permanence, le monde réel n'existe pas. Quand tu regardes le virtuel, même dans la glace, tu le vois pas. Tous pendus à vos boîtes noires, tous ces bâtards nous laissent en chien. Ça pour parler là dans le vide, même entouré d'un être humain. Que justice soit faite, Pierre. Ses sentiments, sans se meurtrir et sentir ment. Dans tes paroles, y'a d'autres pensées, celles d'un cumé ou d'un tyran. Combien de fois t'es dans le réel, dans le présent sans un rappel? Combien de fois dans ce cas-là, tu te situes loin du réel? Entre une pensée d'un reportage, ou bien les mots d'un politique, tu te situes dans un barrage, entre le jugement et la critique. Si on t'explique que tu vis pas, tu comprends pas, que l'on t'en parle. Combien de fois tu vois chez toi, le monde réel qui s'en empare? T'as vu combien de gens crever? T'as vu combien de gens de près? T'as vu combien de gens violés? T'as vu combien de gens vrais? C'est ce que vous cherchez, nous le trouverons. Yeah. Justice soit faite. Yeah. Yeah. Connaissant l'ampleur des forces déployées contre nous, pas un de nous ne cherche le conflit. Nous n'utiliserons que les moyens pacifiques. Mais nous voulons néanmoins que justice soit faite.